Vous écoutez Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL au 89.1, et on va finir l'émission avec un petit plongeon dans les eaux tropicales pour prendre des nouvelles des coraux. On y va avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Mélanie, les coraux perdent leur couleur, oui. Et je me disais, tu sais, quand on pense au changement climatique, la première chose qui nous vient en tête, c'est souvent de parler de la fonte des glaces et de la hausse des températures. Donc, j'ai eu le goût de vous parler d'un phénomène qu'on entend un petit peu moins parler. Mm-hmm. C'est le blanchissement des coraux. Et c'est, en fait, c'est la cause principale de la destruction des grandes barrières de corail comme celle qu'il y a au large de l'Australie. Donc, pour te mettre en contexte, le corail, c'est un animal. Et c'est semblable un peu à une méduse avec un squelette fait en calcaire. Mm-hmm. C'est ce qui compose la base des récifs coralliens. Ça fait beaucoup de ces petits animaux qui sont agglutinés les uns sur les autres. Énormément, hein? Oui. On pourrait dire des millions, je crois. Ouais. Mais le corail ne peut pas vivre sans une algue microscopique qu'on appelle la zooxanthelle. Et c'est cette algue-là qui va lui apporter 90% de son énergie via la photosynthèse. Mm-hmm, d'accord. Donc là, sachant ça, en fait, le phénomène de blanchissement, ça consiste en quoi? C'est dû à quoi? C'est un phénomène de dépérissement qui va se traduire par la décoloration du corail. C'est provoqué par la hausse des températures de l'eau, qui est due au changement climatique, et ça va entraîner l'expulsion de l'algue symbiotique qui donne au corail sa couleur et ses nutriments. Oui. Donc, les récifs peuvent s'en remettre relativement bien si l'eau va finir par se refroidir, mais ils peuvent aussi mourir si le phénomène persiste. Donc, le phénomène de blanchissement des coraux qui est causé par la hausse et aussi par l'acidification de l'eau atteint un niveau sans précédent jusqu'à maintenant. La Grande Barrière de Corail qui a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité en 1981, c'est le plus gros écosystème du monde. Il s'étend sur 2300 kilomètres. Mmh. Et cette année, il a subi le deuxième pire épisode de blanchissement. Puis les chercheurs ont annoncé en mars dernier que les coraux qui ont été atteints cette année ont à peu près aucune chance de s'en remettre. OK, donc c'est par épisode. Donc, des fois, ils s'en remettent, puis un autre épisode survient, mais là... Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, depuis les deux dernières années, c'est à chaque fois, là, il y a beaucoup de coraux qui sont touchés, et ceux qui sont touchés n'arrivent pas à s'en remettre. Mm-hmm. Il faut au moins une décennie pour qu'il y ait un rétablissement total des coraux. Donc là, deux épisodes graves à 12 mois d'intervalle fait en sorte que les récifs endommagés, comme je te le disais, ceux de l'année passée, n'ont eu aucune chance de se rétablir. Ouais. Et ça risque d'être la même chose cette année. L'épisode de blanchissement en cours, c'est le quatrième plus important après celui de 98, de 2002 et de 2016. Donc, ça commence à arriver quand même assez fréquemment. Ouais. Et entre l'année dernière et cette année, c'est 1500 kilomètres de récifs qui ont été affectés par le blanchissement. Ça fait que le tiers sud du récif seulement est encore indemne. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, c'est bien plus précaire. Donc, l'Australie assure qu'elle n'a jamais fait autant d'efforts pour protéger la barrière de corail. Elle s'engage à dépenser plus de 2 milliards de dollars australiens sur 10 ans. La barrière a 345 000 kilomètres carrés qui ont évité de justesse en 2015 d'être placée carrément sur la liste des sites des espèces en péril. Ah oui. Donc, la limite là est presque atteinte. Et c'est pas seulement les coraux au large de l'Australie qui subissent le phénomène de blanchissement. Les coraux aussi... dans les Caraïbes, mais en fait partout dans le monde, c'est ça, parce subissent que ce sort-là. L'océan, la température de l'océan, de toute façon, augmente pas seulement c'est assez au large global, de l'Australie, ouais. C'est ça. Et est-ce que l'avenir des coraux, est-ce que tout ça menace l'avenir des coraux dans l'océan? Est-ce que finalement, c'est un écosystème qui va disparaître? C'est sûr que comme ça semble être un portrait assez désastreux, mais il semblerait qu'il y ait quand même un petit peu d'espoir. Il y a des chercheurs français qui étudient des coraux au large du Japon, près de l'île de Shikin, qui est à peu près à 160 km au sud de Tokyo, et ils ont découvert quelque chose d'assez intéressant. C'est en fait, les émissions de gaz à effet de serre portent pour les océans une double malédiction, on pourrait dire. Ça fait pas juste réchauffer l'eau, ça transforme la chimie de l'eau à cause de l'absorption du CO2 dans l'eau, essentiellement par le plancton. Donc, on dit que l'eau va s'acidifier. Mm-hmm. Et même si elle devient pas vraiment super acide, elle est moins alcaline et plus hostile aussi pour les coraux. Mm-hmm. Parce que les coraux sont en fait en calcaire, et le calcaire et l'eau acide, ça va pas très bien ensemble. Ça fait des trous. Exactement. Et les eaux du pourtour de l'île de Shikin sont naturellement acidifiées par le rejet de CO2 à cause qu'il y a beaucoup de failles volcaniques sous-marines dans ce secteur-là. Mm-hmm. Donc, c'est un milieu assez unique. Et qu'on dit même impossible à reproduire en laboratoire. C'est tout un écosystème. Il y a des coraux, il y a du plancton, il y a des poissons, il y a des algues, et qui évolue dans ce qu'on pourrait appeler l'océan du futur. Et ça se fait depuis très longtemps. Ouais. Donc, c'est un milieu qui est très particulier et c'est une zone tempéré. On n'est pas en milieu tropical. On n'est pas très loin de la baie de Tokyo aussi. Les coraux, c'est les coraux les plus septentrionaux au monde, les plus au nord. Et ailleurs, il y a des magnifiques récifs qui sont vraiment variés, qui sont dans les zones subtropicales et tropicales, comme la Grande Barrière au large de l'Australie, qui meurent sous l'effet de l'augmentation des températures. Donc, on se dit peut-être que les régions qui sont plus proches des pôles, qui sont moins chaudes, dont le climat est plus clément, pourraient peut-être progressivement accueillir les coraux qui sont plus au sud, parce qu'ils finiraient peut-être de génération en génération finir par migrer vers le nord. Les espèces finalement s'adaptent au changement climatique en montant vers le nord. Donc finalement ces espèces, ces zones à plus haute latitude pourraient servir de refuge. C'est peut-être possible, mais la question qui va rester et qui reste encore, c'est l'acidification des océans. Et là à Chikin, même si c'est un laboratoire naturel, là, c'est ce que les chercheurs en fait essaient de trouver. Pour trouver des réponses, les chercheurs vont plonger dans la zone et ils vont compter les coraux. Ils font l'inventaire, en fait, des poissons, les algues, prélèvent du plancton qui va être analysé dans les laboratoires. Ils comparent ça avec une autre crique qui est pas très loin, qui, elle, est épargnée par les fameux rejets de CO2, là, par les failles volcaniques. Ouais. À cet endroit-là, il y en a pas. Mm-hmm. Et là, il y a un premier constat qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a seulement une douzaine d'espèces dans celle qui est touchée par le CO2. Donc, on voit déjà qu'il y a quand même un impact. Ouais, ouais. Et les récifs couvrent quand même à peu près moins de 0,2% de la surface des océans, mais qui abritent quand même 30% des espèces animales et végétales marines. Mm-hmm. Ça les protège, c'est un sanctuaire, ça les protège des prédateurs, ça sert de garde-manger aussi. Mm-hmm. Et ça contribue aussi à la protection des côtes, à l'alimentation même de nous. Les hommes vont souvent dans ces régions-là pour le poisson. Ça crée aussi des emplois pour le tourisme. Donc, malgré que c'est seulement 0,2% de la surface des océans, c'est des écosystèmes extrêmement importants. Ah ouais. Et la perte de ces écosystèmes-là serait vraiment catastrophique. La planète a évolué sous des conditions qui étaient relativement stables, puis ça a permis aux organismes de s'adapter, aux animaux aussi de s'adapter. Mais là, le problème, c'est qu'on accélère vraiment les choses et on va beaucoup plus vite que l'horloge biologique. Ouais, c'est ça. Puis donc, ce que je comprends, c'est que ces endroits plus chauds, là, plus froids où les coraux pourraient peut-être aller, mais ce problème, c'est que ça ne règle pas le problème de l'acidité. C'est ça. Puis c'est ça, ils auront peut-être pas forcément le temps d'y aller non plus parce que ça doit pas se déplacer très vite un coral. Je crois pas, non. Ça risque d'être assez long. Ouais. Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir.